Sensible Thoughts. I think it's a mistake to ever look for hope outside of oneself. That life is worth living and your belief will help create the fact. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Sensible Thoughts, Nivin Shahrawi, Ahmed Abdelhaq, Ayman Mohsen. Votre guide pour toutes les cultures. Notre planète. Environnement, écologie et bien-être. Bonsoir et bienvenue sur Notre Planète dans une tribune publiée récemment en France. 24 dirigeants d'entreprises ferroviaires européennes, dont le patron de la SNCF, réclame un investissement européen massif. dont le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, veulent œuvrer ensemble pour améliorer l'attractivité du rail partout sur le continent, réclamant un investissement européen massif pour nouer un nouveau pacte ferroviaire européen. Le train est le mode de transport motorisé le plus éco-responsable. C'est ce que plaident les dirigeants dans une tribune publiée récemment en France dans le journal du dimanche. Je cite, la part du ferroviaire dans le transport de passagers et de marchandises reste si faible. Je cite, parce que nous partageons la conviction que le ferroviaire a un rôle clé à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique, nous nous engageons concrètement pour le développement du train en Europe, écrivent-ils avant un sommet ferroviaire européen qui doit les réunir au siège de la SNCF. Ils promettent une amélioration de l'expérience client, des trains plus verts et davantage recyclables, un effort sur l'innovation et un recrutement plus diversifié, faisant plus de place aux femmes et aux jeunes. Ce pacte est ambitieux, ils ne réussiront qu'ensemble. Malgré les différences et la concurrence entre leurs compagnies, clament-ils avec un objectif commun, augmenter la part du ferroviaire dans le transport et contribuer ainsi à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Selon eux, ils ont besoin des États membres de l'Union européenne. Ils les appellent à soutenir ce pacte en s'engageant à fixer des objectifs de report modal clairs au niveau national. Notre planète, Radoua Essaouedine et Ayman Morsin. Santé. Dine Abdelmegid. L'élurophobie. Tout savoir sur la peur panique des chats. Pour la plupart des gens, les chats évoquent un animal doux, affectueux, domestique. Mais pour certaines personnes, ces félins leur provoquent des crises d'angoisse. On parle alors de phobie des chats ou des lurophobies. La phobie des chats pourrait prêter à sourire et pourtant cette peur irraisonnée de l'animal est bien réelle. Le terme élurophobie tire ses origines du grec ancien éluros, qui renvoie à la déesse des chats qui portait ce nom, et phobos, qui renvoie à la peur. Il existe de nombreux synonymes tels que l'élurophobie, la gatophobie et la félinophobie. D'où vient l'élurophobie? La peur irrationnelle des chats prend souvent racine dans un traumatisme ayant eu lieu la plupart du temps durant l'enfance. Elle s'installe de manière insidieuse chez le sujet qui développe un mécanisme de défense pathologique. La race féline le terrifiera à chaque rencontre et quel que soit le contexte. Le psychothérapeute précise que ce trouble anxieux, qui ne date pas d'hier, peut avoir d'autres causes. On écrit sur ce sujet depuis le XXe siècle. Il existe certaines cultures dans lesquelles persiste l'idée que les animaux venant de l'extérieur de la maison sont sales et pourraient porter le malheur ou le mauvais œil. Dans les sociétés occidentales, les animaux de compagnie sont synonymes de compagnons. Certains sujets peuvent entendre leur inconscient, leur rappeler ce qu'a pu dire un parent, un grand-parent dans son enfance sur une superstition liée à ces animaux. L'angoisse pourra de façon tout à fait inconsciente apparaître sans que la personne ne se rappelle de ce souvenir d'enfance. Psychosanté. Zina Abdelmegid. Mystérieux, astucieux ou sérieux? Simplement, c'est curieux. C'est curieux. Mon affaire. Mon affaire. Depuis quand mange-t-on du miel? Avant qu'on apprenne à le récolter, le miel était cueilli dans des ruches sauvages. Des peintures de néolithique en Espagne illustrent cette quête. Les premières traces du passage de la cueillette à l'apiculture ont été relevées dans un bas-relief du temple d'Abu Ghraib en Égypte. Si le nectar des dieux est le premier produit sucrant de l'humanité, on s'en sert aussi dans l'Égypte antique pour embaumer les morts et accélérer la cicatrisation des plaies. Mais la ruche, en terre, en osier, en liège, en bronze, n'est pas encore que l'abri provisoire d'un essaim sauvage, détruit lors de la récolte. Au XVIIe siècle, deux apiculteurs se disputent l'invention de la ruche à cadre mobile qui permet de prélever le miel sans détruire la colonie. Puis, en 1858, le Bavarois Johann Mering invente le gaufrier qui reproduit le cadre alvéolé en cire de la ruche sauvage. Depuis la fin du XXe siècle, victimes des produits phytosanitaires et de parasites, les colonies occidentales produisent de moins en moins. Avec le temps, tous les miels finissent par cristalliser et se solidifier. Cela prend quelques jours. Miel courant, de colza au tournesol et des années comme l'acacia. Tout dépend de l'origine florale du nectar et donc de sa teneur en glucose. Puis, plus il est sucré, plus la solidification est lente. Les fabricants chauffent les miels jusqu'à 70%, 70 degrés, pour retarder la cristallisation. Les plus crémeux sont obtenus par assemblage de miel à vitesse de cristallisation différente. 60 000 abeilles doivent butiner 1 million de fleurs pendant une semaine, à raison de 5 à 7 voyages par abeille et par jour, pour produire 1 kg de miel. Le rendement d'une abeille est de l'ordre de 20% pour 10 mg de nectar ramené à la ruche. Elle produit 2 mg de miel. C'est curieux, Mahmoud Farid et Mona Farid. Venez triper avec nous aux quatre coins du monde sur place. Nous allons visiter aujourd'hui l'Honolulu Museum of Art. Sur place. L'Honolulu Museum of Art, appelé Honolulu Academy of Arts jusqu'en 2012, est un musée situé au centre-ville d'Honolulu, près de la plage de Waikiki, sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'état de Hawaï. Sur place. Fondé par Anna Rice Cook, Madame Charles Montag Cook, qui désirait faire partager son amour de l'art aux habitants de Honolulu et de Hawaï. Sur place. Le musée, depuis l'ouverture de ses portes le 8 avril 1927, n'a pas cessé de s'accroître pour devenir la plus grande exposition privée d'art visuel de Hawaï. Sur place. Il présente une collection permanente de plus de 50 000 œuvres d'art provenant du monde entier. Sur place.

sais qui je suis. Mais n'écoute pas Léon dit. Don't stop believing in me. Don't stop to vivre ta vie. Don't stop to feeling. T'en fais pas, je te suis. Mais stop to cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, ont coulé. Mais n'oublie pas de sourire. Don't stop believing in me. Don't stop to vivre ta vie. Don't stop to feeling. T'en fais pas, je te suis. Mais stop to cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, ont coulé. Mais n'oublie pas de sourire. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Don't fais pas, je te suis. Don't stop the feeling, t'en fais pas, je te suis. Mais stop the cry for me, mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, ont coulé. Mais n'oublie pas de sourire. Don't stop believing in me, don't stop the vivre ta vie. Don't stop the feeling, t'en fais pas, je te suis. Mais stop the cry for me, mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé. ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਠਾਣਾ ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਠਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਖੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਠਾਣਾ ਖੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਨ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਪਲ ਪਲ ਬਈ ਨਾ ਕਰਮਾਨ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਪਲ ਪਲ ਪੈਂਦਾ ਬੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਨ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਪਲ ਪਲ ਪੈਂਦਾ ਬੱਗੇ ਬਈ ਨਾ ਕਰਮਾਨ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਪਲ ਪਲ ਪੈਂਦਾ ਬੱਗੇ

segura de lo que tú nunca viste. Posiblemente te confundiste. Si no estás claro de lo que en verdad oíste, no hay motivo de tu desquite. Pero no pasa nada. No, no, no. No hay evidencia de lo que me han acusado. No pasa nada. No, no, no. Si fue tu decisión, pues vete ya. Pero era necesario que te rompiera el corazón en varios pedazos. ¿Acaso no hiciste tú algo malo para que te lleve el fracaso? Y sí, sí era necesario que te rompiera el corazón en varios pedazos. ¿Acaso no hiciste tú algo malo para que te lleve el fracaso? Y no. Ahora sí te acuerdas. Perdona si otro nombre mencioné, pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven. Los celos poco a poco se fueron apoderando. Te dejaste llevar por lo que estaban comentando. Que me vieron con otro, agarré que estaba suelta. Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta. La foto que en tu Insta te salió es un DVD. Eso ya pasó, no era yo. La foto que te enseñaron con otro, no era yo. Hazle caso a tus amigos y queda loco, no era yo. Level on est là-bas quand on fait, c'est que tu ne tombes pas. Élimine les défaites, dis-toi qu'elles ne comptent pas. Lève le pain, relève la tête, ta vie est un combat. Tout existe sans défaite de haut comme de bas. On est là-bas quand on fait, c'est que tu ne tombes pas. Élimine les défaites, dis-toi qu'elles ne comptent pas. Lève le pain, relève la tête, ta vie est un combat. Lève les mains en l'air. Moi tu vois de la musique, je peux dans l'atmosphère. Des boîtes de nuit, de la foule et des salles de concert. Je ne suis qu'un salle d'avant, pourtant je vise le top. Lève les mains en l'air. Moi tu vois de la musique, je peux dans l'atmosphère. Des boîtes de nuit, de la foule et des salles de concert. Je ne suis qu'un salle d'avant, pourtant je vise le top. Lève les mains en l'air.

que con tu sabor que es caribe y son seguimos.